Nous revenons dans la deuxième partie, le sujet souffler de l'astral. Je voudrais relancer cette deuxième partie avec la fin de la première où on parlait des idoles et des modèles. Et Bernard, dans le développement d'un individu, et surtout quand on vit le processus d'une certaine inconscience sociale, les gens ont tendance à souffrir énormément de la pauvreté de leur vie par manque d'identité, j'imagine, et s'accrochent à des modèles et vont effectivement souffrir de ne pas accéder au mode de vie de ces modèles. Dans quelle mesure une société comme les États-Unis, qui ont créé un American Dream, dans quelle mesure on peut dire que ça fait un bien au développement d'un individu de poursuivre des modèles de ce genre-là? L'American Dream et puis les idoles politiques, économiques, musicales. Dans quelle mesure c'est valable? Si on parle de l'homme inconscient, l'homme qui n'a pas d'identité, parce que pour moi, un homme inconscient, c'est un être qui n'a pas d'identité intégrale. Pour l'homme inconscient, les idoles, c'est un support moral. Dans ce sens que, n'ayant pas d'identité, il peut facilement vivre à travers l'identité d'un autre. Dans ce sens-là, c'est valable. Autrement dit, dans le sens de l'involution de la conscience, dans le sens de l'astralisation de la conscience, dans le sens de la perte de l'identité de l'homme, c'est valable. Autrement dit, dans la mesure où l'homme poursuit une évolution purement psychologique. Mais à partir du moment où l'homme commence à poursuivre une évolution psychique, c'est-à-dire qu'il commence à entrer en harmonie avec son être intérieur, cette fabrication-là, sociale, qui est souvent monopolistique, retarde l'évolution de l'homme par rapport à la formation de ses centres de gravité. Ce qu'il manque le plus chez l'être humain de l'involution, ce sont des centres de gravité. Un centre de gravité, c'est un centre d'énergie. L'homme en a plusieurs dans son corps, mais c'est un centre d'énergie qui devient une fenêtre d'entrée pour sa lumière. Alors, si ces centres d'énergie-là ne sont pas ouverts à sa propre lumière, à sa propre énergie, ils sont mis en vibration par d'autres forces qui sont extérieures à lui-même et l'empêchent, jusqu'à sa mort, de se découvrir lui-même. Donc, il va découvrir les idoles, il va s'instruire de l'historique de ces idoles-là, et en faisant ça, il va automatiquement, par le fait même, perdre de la conscience et perdre de la conscience. Donc, sur le plan social, le phénomène de l'idolâtrie, dans le fond, c'est une forme d'idolâtrie. Sur le plan social, ça a son bon côté évolutif, mais sur le plan psychique individuel, c'est anti-homme. Ça ne veut pas dire que l'être humain conscient ne va pas apprécier telle personne qui a atteint un certain niveau d'action sociale. Parce que ces gens-là travaillent très fort, ces gens-là nous donnent quelque chose, dans la mesure où ça peut être valable, utile. Mais l'homme ne peut pas assujettir sa propre identité à l'identité d'un autre personnage sur la Terre. Quand une économie, je pense à la société américaine surtout, quand une structure économique est presque fondée sur des idoles, et ou du moins monopolise des grands courants économiques en relation avec des idoles, si une démarche, disons, individuelle s'amorcerait, est-ce qu'il n'y aurait pas un certain danger de voir la structure économique ébranlée par le fait de cette force que l'individu prendrait? Avant qu'il y ait beaucoup d'individus sur la Terre qui poursuivent un mouvement de dépendance par rapport à ces forces astrales-là, ça va être très long. D'ailleurs, ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Donc ça va durer longtemps. présentement, c'est dans un mouvement plutôt ascensionnel que descendant. Donc, les individus qui font une démarche mais personnelle... Sur le plan individuel, les individus qui font une démarche personnelle, qui vont en arriver un jour à développer leur centre de gravité, ne pourront pas vivre cette illusion fabriquée-là. Ils vont vivre par rapport à eux-mêmes. Mais ça ne va pas les empêcher d'aller voir des films de ces gens-là, qui sont des idoles pour les masses, mais qui sont pour eux simplement des personnages qui créent quelque chose pour leur relaxation astrale temporaire. Le problème avec les idoles, c'est que le gros problème avec ces gens-là, ou avec ce phénomène-là, c'est que l'individu perd son identité. Et la machine sociale, la machine économique, la machine politique qui met en marche, en branle toute cette énergie-là, elle est très puissante et elle fait partie de la civilisation moderne et elle fait aussi partie des lois astrales sur la Terre. L'astral utilise les idoles pour empêcher l'homme de rentrer dans son identité. Je donne un exemple, si on retourne dans les années 60. Il y a un film qui vient de sortir, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Ça s'appelle The Doors. Ouais, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont vu ce film-là? Bon. Là, on a un recul de 20-25 ans. Aujourd'hui, on est capable de regarder ce qui s'est passé dans les années 60 au niveau du mouvement hippie et de voir le grand décalage par rapport à l'irréalité qu'on connaît aujourd'hui, mais à la réalité que ces gens-là professaient dans ce temps-là. C'est un film qui était très bien fait, d'ailleurs. Et quand on regarde Jim Morrison, là, on voit jusqu'à quel point ce type-là était extrêmement astralisé. D'abord, il y avait la drogue, il y avait son contact occulte avec les Indiens, puis on voit l'influence sur les masses, on voit la grande astralisation de ce mouvement-là. Mais les gens, il y a des gens dans ce temps-là, dans les années 60, qui n'ont pas été victimes de cet astral-là. Et ces gens-là qui ont vécu une certaine indépendance d'esprit par rapport à ça, se sont posés beaucoup de questions. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être même dans la salle, qui, dans les années 60, se disaient, ben, comment ça se fait que je suis pas comme les autres? Et c'est très difficile pour un être humain qui n'est pas encore conscient, mais qui a une certaine sensibilité intérieure, de réaliser qu'il n'est pas comme les autres, qu'il ne va pas par là, qu'il s'en va par là quand les autres s'en vont par là. C'est très difficile de soutenir cette solitude-là. Mais souvent, ces êtres-là ont suffisamment de leur propre lumière pour pouvoir le faire. On en vient donc à un point, se conscientiser, c'est se marginaliser. C'est intéressant cette question-là. Se conscientiser, c'est en arriver à être suffisamment intelligent pour que la marginalisation ne paraisse plus. C'est ça, se conscientiser. Un être conscient, là, tu ne peux plus dire qu'il est marginal. Il est capable de fonctionner comme tout le monde, mais où sa marginalité existe, c'est dans son être intérieur. Mais par rapport au monde, ou par rapport à ce que le monde ou la société crée, ça ne paraît pas la marginalité. Ça, c'est un signe de grand équilibre entre ses forces intérieures puis le monde extérieur. Sans ça, mais tu deviens marginal, tu deviens seul, tu deviens blasé, tu deviens déprimé. Parce que l'homme, la société, crée des grandes choses. La science crée des grandes choses. Par contre, la science aussi fait des choses qui, si elle était consciente, n'existeraient pas. Donc, le rôle de l'homme conscient, c'est d'aller chercher dans le monde les choses que la science ou l'homme inconscient, avec sa grande sensibilité, peut faire. Si tu te coupes de ça, qu'est-ce qui reste dans la vie? Là, tu vas te lancer dans l'occulte, tu vas te lancer dans l'ésotérique, tu vas te faire astraliser énormément, puis éventuellement, tu vas finir la grande bâtisse. Donc, pour revenir à la définition, je vais la reprendre, cette définition-là, parce qu'elle est bonne. Être conscient, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, là, mais je vais le redire d'une autre façon. Être conscient, c'est être capable de ne pas faire paraître ta marginalité. Ça, c'est ça, être conscient. Mais ça établit que quand même être conscient, c'est être marginal. Être conscient, c'est être capable de ne pas faire paraître ta marginalité. Et on peut pas... Je défie une personne qui me connaît ou qui me rencontre, qui ne me connaît pas, de pouvoir dire que je suis marginal. Je suis pas marginal. Disons que si on ne dit pas que vous êtes marginal, on peut dire que vous êtes original. OK. Vous pouvez changer la marginalité par de l'originalité, mais il faut que ce soit de l'originalité créative. Si ce n'est pas de l'originalité créative, à ce moment-là, ça devient de la marginalité. Je vais être obligé d'aller dans votre dictionnaire pour savoir qu'est-ce que vous entendez par être marginal. Être marginal, c'est être dissatisfait de statu quo et vouloir illusoirement le briser ou en sortir pour créer une autre condition. Le mouvement hippie, c'est un exemple. Fait que tu regardes les hippies des années 60 puis aujourd'hui, ils sont rendus PDG de compagnie. Ouais. Voilà, tu sais? Ah, ouais. Ce que vous appelez les yuppies, vous autres. Ouais. J'en connais, moi, qui était la grande barbe des années 60, puis là, ils sont rendus PDG de compagnie. Bon, autrement dit, ils ont mûri. Puis ceux qui n'ont pas mûri, mais aujourd'hui, sont probablement sa bouteille, puis sa drogue, puis sont probablement du street people. Il n'y a rien à faire avec eux autres, ils sont devenus totalement végétatifs. Donc, la marginalité, ça fait partie d'une certaine sensibilité intérieure, mais un jour, faut que ça soit rééquilibré. Parce que être marginal, c'est percevoir, être en désaccord avec un certain statu quo, mais ça doit être un désaccord qui ne te rend pas toi-même déséquilibré. À ce moment-là, tu deviens original, mais tu n'es pas marginal. Donc, la marginalité, éventuellement, faut que l'homme en sorte. Autrement dit, si le statu quo ne plaît pas, mais qu'il fasse quelque chose, mais il ne faut pas qu'il bascule dans ce que je pourrais appeler l'aliénation totale. Mm-hmm. Quand on est étudiant, on est marginal. C'est connu dans le monde. Les étudiants sont toujours marginaux. Mm-hmm. Ça fait partie du fait qu'ils n'ont pas de responsabilité. Quand tu n'as pas de responsabilité, c'est le fun de gueuler. Tu t'en donnes une. Okay? Puis quand tu commences à rentrer dans le monde, puis tu travailles, puis tu vois comment est-ce que c'est difficile de développer une société, de faire grandir une société, quand tu commences à connaître les contraintes, quand tu commences à réaliser comment c'est difficile de changer les choses à l'intérieur du gouvernement, ça, pour toutes sortes de raisons, là tu commences à mûrir, tu commences à moins te prendre au sérieux. Donc, dans la marginalité, il y a, ou le phénomène de la marginalité, c'est que les gens qui deviennent marginaux se prennent au sérieux au début. Puis avec le temps, ils se prennent moins au sérieux, puis ils se prennent moins au sérieux, puis ils se prennent moins au sérieux. C'est comme quand tu as 20 ans, tu te prends au sérieux. Quand tu as 60, tu te prends un petit peu moins au sérieux. Quand tu as 40, tu te prends un petit peu moins au sérieux. Mais ça fait partie de l'évolution psychologique de l'ego. Mais si on le regarde sur le plan de l'évolution psychique de l'être, éventuellement, tu ne peux plus être marginal. Parce que être marginal, ça ne te suffit plus. Tu as besoin d'être créatif. Donc, si l'homme est inconscient, puis qu'il n'est pas créatif, puis qu'il devient marginal pour l'être plus, éventuellement, il va devenir original, mais créatif original. Donc, à ce moment-là, la marginalité va se déplacer, puis il va devenir original, si tu veux, mais créatif. À ce moment-là, bien, il va se fondre avec la société, mais il ne va jamais perdre son identité. Parce qu'un être qui est marginal n'est pas encore dans son identité. Il s'en recherche une identité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est marginal. Autrement dit, être marginal, c'est être à la recherche d'une identité. Quand tu l'as trouvé, ton identité, à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'être marginal, parce que tu ne peux plus être menacé par ce qui est extérieur. Tu ne peux plus être enseveli par les formes astrales que crée une civilisation inconsciente. Tu vas à ce moment-là chercher des choses dans la civilisation qui sont valables, qui sont utiles à différents niveaux, puis tu vas être bien avec ça. Pourquoi? Parce que tu as une identité qui devient de plus en plus inébranlable. L'individu qui se conscientise ressent une différence. Si on ne peut pas encadrer cette différence-là dans des patterns là, qui sont d'ordre formel, qui sont social, où est-ce qu'on va situer la différence? Où est-ce qu'elle se vit, la différence? La différence se vit dans ton esprit. C'est ta façon de voir les choses. Je vous donne un exemple. On va prendre mon cas, là, parce que je suis une personne publique. Si vous me posez une question, par exemple, sur l'Église, la fonction de l'Église dans le monde, la fonction de l'Église catholique dans le monde, on devrait avoir de l'avortement dans le monde, on ne devrait pas avoir d'avortement dans le monde. Bon. Il y a différents plans par rapport à ces questions-là où je pourrais me situer. Je pourrais me situer par rapport à un plan occulte, totalement occulte, qui fait partie de ma conscience, puis expliquer ma vision ou comment je vois le phénomène de l'avortement dans le monde. Ou je peux me placer par rapport à la masse humaine, la responsabilité de l'Église sur le plan psychologique des grandes masses humaines. Si j'étais intelligent, si je suis conscient, au lieu de me placer par rapport à mon plan personnel, conscientisé en fusion, je vais me placer par rapport à la grande masse sociale. À ce moment-là, ça va m'empêcher de troubler l'esprit de la masse sociale. Si je veux aller plus occultement dans le phénomène de l'avortement, ou si je veux aller plus occultement dans le phénomène de l'euthanasie, qui sont des grandes questions aujourd'hui, à ce moment-là, je vais rassembler des gens dans un espace fermé, et je vais parler à ces gens-là de ma vision de cette question philosophique-là. Mais je ne vais pas troubler socialement. Donc, à la télévision, je répondrai d'une certaine façon, et en privé, je répondrai d'une autre façon, et les deux façons se rejoindraient parce que je pourrais donner les raisons sociales, économiques, politiques, psychologiques, spirituelles, religieuses de la vue de l'Église par rapport à l'avortement dans certains secteurs de la planète, par exemple en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe. Tandis qu'en privé, je pourrais me contenter de simplement expliquer le phénomène de l'euthanasie ou de l'avortement à des individus sans affecter la masse en général. Donc, un homme qui est conscient, qui est original dans sa créativité, ne va pas vivre sa créativité par rapport à la dominante de cette créativité-là. Il va lui-même placer la dominante de la créativité au niveau où elle va être le plus utile. Donc, c'est plus utile si je suis à la télévision et que je parle à des masses humaines de l'avortement en fonction de l'intelligence que, par exemple, l'Église peut avoir ou le gouvernement peut avoir dans un cadre restrictif, évolutif de ce phénomène-là. Si, par contre, on vient me voir et on me dit, « Mais, Monsieur Bernard, on aimerait ça que vous me parliez de l'avortement ou de l'euthanasie ou de whatever », d'une façon plus occulte, qui ne troublera pas les masses sociales, parce que quand tu parles à la télévision, tu as automatiquement une responsabilité sociale. Un être humain ne peut pas se permettre, dans un système ouvert comme la télévision, qui rentre dans tous les foyers, chez des gens qui ne t'ont pas demandé ton opinion, qui ont leur opinion, donc tu n'as pas le droit de rentrer dans la vie privée des gens, puis arriver avec des éclaboussures d'opinion, parce que tu es trouble. À ce moment-là, tu vas rassembler des gens qui veulent ton opinion. Donc, il y a des gens qui vont dire, « Ben Bernard, nous ferais-tu une conférence sur l'euthanasie? Qu'est-ce que c'est la relation entre le monde de la mort puis la responsabilité psychologique et éthique de la mort vue d'un point de vue médical, vue d'un point de vue d'un membre d'une famille? » Là, à ce moment-là, ben, je vais faire une séance fermée où je ne troublerai pas l'esprit du public à travers un écran de télévision qui rentre chez des millions de personnes qui ne m'ont pas demandé mon opinion. Mais s'il y a des gens qui me demandent mon opinion, à ce moment-là, je vais leur donner, mais en circuit fermé. Alors, c'est ça le discernement et c'est ça la lucidité. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle j'ai pu, pendant des années, demeurer à l'abri des invectives. Parce que je respecte la conscience de la masse. Et à la fois, je me donne la capacité d'aller plus loin dans l'ouverture de la conscience des individus, mais qu'ils me demandent mon opinion. À ce moment-là, il y a l'équilibre. Donc, à ce moment-là, tu n'es plus marginal. C'est ça de la créativité originale. Sans ça, tu utilises une entrée dans la vie des gens. Quand je parle de la vie des gens, là, je parle des gens, des bons catholiques qui vont à l'Église depuis des années de temps, puis qui ont leur foi. Tu peux pas arriver dans le monde avec tes idées de Bernard de Montréal puis troubler la vie de ces gens-là. Parce qu'à ce moment-là, c'est un manque de responsabilité. Puis le faire et troubler la vie de ces gens-là, ça ne les aiderait pas. Même si les idées sont intéressantes, parce qu'ils ne sont pas psychiquement et psychologiquement capables de supporter un choc comme ça, à des convictions qui, pour eux, sont profondes. Donc, de l'intelligence créative, c'est très, très créatif. Ce n'est pas psychologique, ce n'est pas égoïque, égocentrique, ce n'est pas basé sur les appétits de la personnalité. C'est en fonction du pouvoir de l'homme de diriger dans différents secteurs de la société des courants d'énergie qui sont utiles à ces différents secteurs-là. Ça demande beaucoup de lucidité. C'est très anonyme aussi. C'est très anonyme. C'est pour ça que je dis, à ce moment-là, tu n'es plus une personne marginale. Tu es une personne créative, originale, dans le sens que tu es capable de donner naissance à des idées profondément nouvelles, mais sans bouleverser chez des gens qui ne t'ont pas demandé ton opinion, leurs idées, parce que ces gens-là ne sont pas prêts. On reconnaît souvent chez des gens qui sont dans un processus de conscience un intérêt à parler de ce qu'ils absorbent à des gens, évidemment, qui, eux, ne l'ont pas encore, comme vous dites, demandé. Et effectivement, ils s'amassent avec des chocs qu'ils ont donnés à des gens, des chocs qu'ils ne sont pas capables de rebalancer. C'est ça. Est-ce que c'est un processus normal? C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment arrêter. Non, c'est un processus normal, parce que quand on commence à découvrir les dessous du psychisme, quand on commence à découvrir les mécanismes du subconscient, quand on commence à connaître les lois cachées, occultes de l'être humain, ça crée tellement une ouverture de nos centres que l'homme vit comme une décharge d'énergie, puis il n'est pas au début capable de la contrôler. On dirait que ça, c'est plus fort que lui, il faut qu'il en parle. Puis alors vous mettez là-dedans sa personnalité, son insécurité qui n'a pas été éliminée, sa sécurité égoïque qui n'est pas affranchie de l'insécurité psychologique de son ego. À ce moment-là, la personne parle, la personne peut créer des troubles dans son entourage, elle peut en souffrir aussi, puis c'est au cours des années qu'elle va se tasser, puis un jour elle va réaliser que ces affaires-là, c'est pour elle, c'est pas pour le monde, c'est pas la folle. L'homme conscient n'a pas la responsabilité de prosélytiser le monde. L'évangélisation puis la prosélytisation, ça fait partie des consciences spirituelles de l'humanité. Il y a des gens qui le font, puis ça fait partie de leur job, ça fait partie de leur expérience. Puis d'ailleurs, c'est encadré dans des grands systèmes thématiques, ça. Mais quand tu commences à tomber dans les lois occultes de la conscience humaine, qui sont tellement profondes, à en bouleverser même l'imaginaire humain, tu peux pas parler de ça à gauche et à droite. Mais c'est le temps, c'est avec le temps qu'on en arrive à la contrôler, ça. C'est pour ça que les gens qui s'instruisent de l'occultisme ou des sciences occultes ou à n'importe quel niveau, doivent prendre conscience dès le début de l'importance de garder ça pour eux autres, de le regarder, parce que c'est au cours des années qu'ils vont voir à travers ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient aujourd'hui. Tu ne viens pas intelligent de même. C'est avec les années que ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste. Puis éventuellement, quand tu vois clair, puis t'as l'esprit clair, t'es même plus intéressé à ce moment-là de parler à gauche pas à droite. Parce que t'as subi plus cette pression-là. T'as contrôle cette pression. Dans un processus de conscientisation, Bernard, on vit des fois avec des intimes, des gens en tout cas très près de nous, soit au niveau couple, soit au niveau familial, soit même au niveau travail, et qu'ils ne comprennent pas la même chose que nous autres, ça nous fait souffrir. On voudrait communiquer, on voudrait aller plus loin dans la communication, ce qui nous parle ne nous intéresse plus, on voudrait parler d'autres choses, les autres ne sont pas capables. Et souvent, les gens veulent parler aux gens de ce qu'ils savent, justement pour les emmener à ça, pour non pas les évangéliser, mais pour simplement établir une vibration commune. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais ça dépend comment on le fait. Ça dépend comment on le fait. Moi, j'ai une mère qui a 78 ans. Mm-hmm. C'est une très bonne catholique, puis elle va à l'église tous les dimanches, puis toute la patente. Bon, OK. Puis, des fois, on a des petites sorties ensemble, puis là, je l'approche. Parce qu'elle va mourir dans quelques années. Bon, OK. Mais je peux pas y arriver avec mes gros cadons. Fait que je veux dire, sais-tu que j'ai pensé à quelque chose hier. D'abord, on m'a dit que j'ai pensé. Bon. Si je commence à dire j'ai eu une communication, on m'a l'effrayé. Alors, on m'a dit, ben, j'ai pensé à quelque chose hier. J'ai dit, qu'est-ce que tu me diras, qu'est-ce que tu penses de ça? Là, je peux parler de la réincarnation, je peux parler de la mort, je peux parler de son chum qui est mort dernièrement, ainsi de suite. Là, bon. Mais je ne crée pas de choc. Okay. Et pourquoi est-ce que je ne crée pas de choc? Parce que je n'ai rien à prouver. Ce qui fait que les gens créent des chocs quand ils parlent, c'est parce qu'ils ont quelque chose à prouver. Si les gens là n'avaient rien à prouver, rien à prouver, autrement dit, qu'ils étaient sécurs dans ce qu'ils savent, ils n'ont pas besoin de l'opinion des autres, à ce moment-là, ils pourraient parler puis dire des choses intéressantes, créatives, et ne pas créer de choc dans l'environnement. Mais l'être humain est encore très, très fragile, autrement dit, il a encore une très grande mémoire de son ignorance. Elle est pas loin, l'ignorance. Elle est juste en arrière, là, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Là. Il était ignorant, il y a 10 ans, ou il y a 2 mois. Là, fait qu'elle n'est pas loin, l'ignorance. Puis automatiquement, c'est comme s'il n'est pas cicatrisé encore, là, son ignorance. Puis il a besoin de sentir que l'autre l'écoute. Puis c'est ça qui fait que les gens, quand ils parlent de choses qu'ils savent ou qu'ils ressentent ou qu'ils ont entendu parler, ne sont pas capables de communiquer cette vibration-là d'une façon objective, avec un certain rythme, en respectant le rythme d'absorption de l'autre. Il y a trop d'ego, il y a trop d'empressement. Et c'est ça qui fait que la communication est difficile. Sinon, les gens l'écouteraient. Moi, ma mère, elle me dit des fois, elle me dit, ouais, c'est bien intéressant ce que tu dis, mais j'amène ça d'une façon facile pour un âge de 78 ans. On parle de la mort, ben, faut pas que je l'énerve. Ouais. Fait que, l'autre fois, elle me demandait, elle dit, ça existe-tu l'enfer? Le curé, il dit que l'enfer, ça existe, puis il y a d'autres curés qui disent que l'enfer, c'est la terre. Bon, mais j'ai dit, ça dépend comment tu le regardes. J'ai dit, peut-être qu'il y en a deux. Il y en a un sur la terre, puis il y en a un de l'autre bord. Fait qu'au lieu, il y en a deux. Si je dis qu'il y en a qu'un de l'autre bord, on ne voudra pas y aller l'autre bord. Fait qu'en disant qu'il y en a un ici, qu'il y en a un de l'autre bord, ça balance. Fait que tu y amènes ça lentement comme ça. Si je rentre dans mes gros canons occultes, puis le haut astral, puis le bas astral, puis ah ouais, donc, puis le centre de la terre. Mais à ce moment-là, elle est faite. Elle ne dormira pas. Elle va prendre des pilules. Fait que ça, c'est ça du respect. Il faut que tu respectes les gens. Il faut que tu puisses la contrôler. Puis tu vas la contrôler ou l'homme va la contrôler dans la mesure où il ne sentira pas qu'il y a quelque chose à prouver. Fait que pour répondre à votre question, le problème avec les gens qui parlent à d'autres de choses qui sont dans un sens occulte ou très intuitif, ou d'ordre psychique, le problème, c'est lié au fait qu'il y a encore en eux un sentiment, un besoin de prouver ce qu'ils disent ou d'avoir une réflexion de ce qu'ils disent pour se sécuriser eux-mêmes. C'est ça le problème. Je vais aller plus loin dans la question. Est-ce que c'est possible pour une personne qui est en processus de développement de conscience de vivre avec un individu qui veut rien savoir d'un développement de conscience? De vivre avec, là, en couple, là, ou dans une maison. On parle entre autres des enfants. Disons, les parents se conscientisent, mais les enfants, eux autres, ils veulent s'astraliser. C'est pas à peu près. Si les enfants veulent, les parents sont intelligents puis qu'ils voient que les enfants veulent s'astraliser puis qu'il n'y a rien à faire avec eux autres, laissez-les vivre leur astralité, peut-être que dans 4 ans, 5 ans, ils vont changer. Mais à votre question, il y a des antécédents. Si les enfants ne sont pas capables aujourd'hui de vous écouter dans un mouvement de langage créatif, c'est parce que vous n'avez pas créé les bases dans leur jeunesse. Moi, j'ai une fille de 18 ans avec laquelle j'ai des grandes conversations occultes, mais j'ai bâti ça depuis qu'elle est petite. Donc aujourd'hui, elle s'amuse, puis elle sort, puis elle a du fun, puis elle s'astralise, mais son esprit est disponible à être en harmonie avec le mien. Mais si je ne l'avais pas préparée de longue date, elle ne sera pas intéressée, elle sera intéressée avec au petit gars. OK, mais pour la personne qui a commencé à développer... Occupez-vous de vous autres, puis faites votre propre cheminement de vous autres, puis avec le temps, vos enfants, ils vont découvrir que vous n'avez pas mal d'allure. Là, vous n'avez pas d'allure encore, là, pour eux autres.